Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ensemble terminer le chapitre 6 ce matin. Et ça va bien la donner, vu que nous sommes vendredi. Et on va regarder encore une fois des vérités qui vont nous amener à adorer notre Dieu. Notre bon Père du ciel, guide-nous ce matin. Guide-nous. Nous voulons être de bons serviteurs, de bonnes servantes du grand roi du ciel, du créateur du ciel et de la terre. C'est toujours la même raison, nous plongeons nos yeux dans ta parole, qui est cette parole qui est ton portrait, cette parole qui est ton image. On plonge les regards dans ta parole pour te voir et voir ton Fils Jésus. Guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Nous avons seulement qu'un petit texte ce matin à lire, juste quatre versets, et nous allons prendre le temps de bien reviser et de bien comprendre où est-ce qu'on est rendu dans notre évangile de Marc. Nous sommes rendus au chapitre 6 et nous allons terminer, donc, en entamant le chapitre 7. On a plus que, je dirais quasiment, le trois quarts du ministère de Jésus de terminer. Nous avons vu hier que les disciples étaient étonnés, stupéfaits. Et ce n'était pas la première fois. Dès le début de l'évangile de Marc, ils sont étonnés. Ils sont étonnés de son enseignement. Ils sont étonnés de ses miracles. Ils sont étonnés de sa puissance sur les démons. Ils sont stupéfaits, étonnés. Ça revient continuellement dans l'évangile de Marc. Et on a vu hier que Jésus a dit, vous ne devriez pas être étonnés. Si vous comprendriez qui je suis, vous ne seriez pas étonnés que je fasse ces choses. Il y a un verset dans Jérémie qui dit, « Je suis l'Éternel Dieu, votre Dieu. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de ma part? » L'Ancien Testament, à quelques reprises, Dieu dit, « Vous ne devriez pas être étonnés de ce que je fais, parce que je suis Dieu et je fais tout ce que je veux. » Je suis Dieu et le Créateur. Je connais le commencement et la fin. Je suis Dieu. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, vous ne devriez pas être étonné. Vous ne devriez pas être étonné. Tant que vous allez être étonné, c'est parce que vous ne comprenez pas que je suis Dieu. Faites chair. Vous savez, ils sont tellement étonnés, ils sont tellement troublés par tout ce qu'ils voient. Et Jésus nous a donné la réponse hier, parce que les gens du peuple d'Israël, comme ailleurs, ont le cœur endurci. Ayant le cœur endurci, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas que Jésus était plus qu'un être humain, plus qu'un ange, il était Dieu fait chair. Comme les démons disaient, si tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils du Dieu Très-Haut. Donc, ils savent qui il est. Mais les hommes, à cause de leur cœur endurci, ne sont pas capables de voir la vérité. Au lieu de voir la vérité, ils inventent. Tu dois être Élie. Tu dois être un prophète. Tu dois être Jean-Baptiste ressuscité. Comme aujourd'hui dans notre société, comme on en a parlé déjà cette semaine. Les gens, au lieu de dire Jésus c'est Dieu, et c'est pour ça qu'il peut faire tout ce qu'il fait, C'est pour ça qu'il a pu dire tout ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il est mort et que ça a sauvé les élus. C'est pour ça qu'il a ressuscité d'entre les morts. C'est pour ça qu'il a monté au ciel avec son corps. C'est pour ça qu'il a dit, un jour, je vais revenir dans le monde, et ce qu'il va le faire, et qu'il va renouveler le monde en changeant, en enlevant de ce monde toute trace de péché. Il va ressusciter les élus et les mettre avec lui dans un nouveau ciel, une nouvelle terre, pour servir Dieu et lui, notre bien-aimé Sauveur. On ne peut pas expliquer ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a fait avec les démons, autrement que par le fait qu'il était Dieu. On a vu que tout le monde est étonné, excepté un groupe. Il y a juste un groupe qui n'est pas étonné. Ce groupe-là a peur de Jésus. C'est les démons. Ils ne sont pas étonnés, eux. Ils ont peur. Ils le connaissent, eux. Ils l'ont vu, et je le répète pour que ça rentre dans votre tête, c'est des êtres qui ont été créés bons. Ils n'étaient pas démons à la naissance, si je peux dire même, à leur création. Ils ont été un temps des adorateurs de Dieu et de Jésus-Christ. Ils connaissent le Dieu de Trinité qu'on connaît. Ils l'ont vu, ils l'ont servi. Mais la Bible nous dit qu'ils se sont rebellés. Ils se sont endurcis. Et l'être humain a tombé dans le panneau, il a été tenté par Satan, et lui tout est devenu un être endurci. À un tel point que tu mets Dieu devant ses yeux, ils ne le voient pas, ils ne le comprennent pas, et ils veulent le crucifier et le faire mourir. Qu'est-ce que Jésus va faire avec cela? Nous allons lire, si vous voulez bien, notre texte à partir du verset 53. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de là-bas, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelque lieu qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Sa réponse à Jésus? Il continue. Encore plus de miracles. Encore plus chasser les démons. Encore plus de l'enseignement. Mais le texte qu'on a lu s'adresse surtout aux miracles, aux guérisons physiques. Vous vous souvenez? Après, ils sont partis de Capernaum vers Bethsaïda. De Bethsaïda, ils sont revenus. Et là, ils ont eu Jésus qui marchait sur l'eau. Et là, ils reviennent dans le pays de Génézareth. Et ils abordent là. Aussitôt que Jésus arrive, c'est comme s'il l'attendait. Hein? Ils reconnaissent Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui le reconnaissent, c'est ceux qui savent qu'est-ce qu'il fait. Il fait des miracles. Il ressuscite même les morts. Il chasse les démons. Donc, qu'est-ce qu'il font, ils parcourent les environs. Ils vont partout alentour. Et on crie partout. Jésus est en ville. Emmenez tous vos malades. Emmenez tous vos handicapés. Emmenez tous vos quadriplégiques. Emmenez tous les aveugles, les sourds et muets. Les estropiés. Les lépreux. Emmenez toutes les malades. Jésus est en ville. Et Jésus permettait à tous ceux qui étaient malades d'approcher, de le toucher et lui imposer les mains et parler. Il y avait toutes sortes de méthodes qu'on voit dans Marc et dans d'autres évangiles, comment Jésus s'y prenait pour guérir les malades. Mais peu importe le comment il le faisait, c'est toujours le même pouvoir, la même autorité, la même force pour le faire. Vous vous souvenez de la femme à la perte de sang? Jésus s'est aperçu qu'une puissance était sortie de lui. Donc, pour guérir ici tous ces malades dans toutes les villes où ce qui passait, Jésus laissait sortir de la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Il venait jamais épuisé ou à court de puissance. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est infini dans sa puissance. Il est sans limite dans sa puissance. Il n'est pas à bout d'énergie. Sa batterie ne viendra jamais à terre. C'est Dieu fait chair. Il guérit tous les malades. Tous ceux qui pouvaient le toucher étaient guéris. La guérison. Encore une fois, le but n'est pas la guérison, mais pour les emmener à avoir des cœurs moins endurcis. On le sait en lisant Marc, les autres évangiles, qu'il y en a très peu qui vont voir le cœur finalement changer. Parce que c'est ça qu'il veut, Jésus. Parce que si tu as des bonnes jambes, tu peux courir le marathon et tu n'as pas un cœur nouveau. À quoi ça sert? Si tu vois clair maintenant, après avoir été guéri de ton aveuglement, et que ton cœur reste endurci, ça va être un gars qui va être là, mais qui ne sera pas avec Dieu, tu vas être en enfer pour l'éternité. Si tu es un quadriplégique, et maintenant tu peux te lever, travailler, et faire tout ce que tu veux, et que ton cœur reste endurci, qu'est-ce que ça donne? Jésus a dit un jour, à quoi ça servirait à un homme de gagner l'univers, de gagner ses yeux, ses oreilles, sa bouche, son corps, de gagner la santé, la prospérité, si son cœur reste endurci? Parce que rien, il n'y a rien, rien, rien qui nous dit ici que tous ces gens-là vont se convertir un jour. Mais Jésus démontre son pouvoir, démontre sa personnalité, démontre sa nature à travers tous ses miracles. Je suis Dieu. Maintenant, aujourd'hui, il n'a plus à le faire. Il ne peut approuver quoi que ce soit. Et nous, on n'a pas approuvé quoi que ce soit. On a juste à présenter quelqu'un qui a prouvé qui il était. Vous vous souvenez? De Lazare et de mauvais riche. Envoie quelqu'un leur dire. Jésus leur dit. Ils ont Moïse. S'ils ne croient pas à Moïse, qui était la loi de l'Ancien Testament. Mais si on enverrait quelqu'un de ressuscité, ils ne croiront pas plus. Et moi, je vous dis, chers frères et sœurs, chers amis, faites tous les miracles que vous voulez aujourd'hui. Si les gens ne se convertissent pas et ne croient pas à partir des Écritures, ils ne se convertiront jamais. Oh! Ils vont courir après Jésus comme eux autres pour avoir plein de miracles. Mais leur cœur ne sera jamais changé. C'est pour ça que je crois personnellement qu'il y a plein de monde dans les églises évangéliques, dans les églises du monde entier, de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes d'églises, et qui sont dans les églises, avec leur chapelet, leur rosaire, leur prière pour l'islam, leur chapelet islamique, avec leur croix, leur médaille, leur prière de toutes ces formes-là. Mais ils ont le cœur endurci. et ne voit jamais Dieu en Jésus. S'il ne voit pas Dieu en Jésus, il ne voit pas le royaume et en feront jamais partie. Notre rôle, c'est de leur présenter le Jésus qui a fait les miracles. De leur présenter le Jésus qui a fait chasser les démons. De leur présenter le Jésus qui a arrêté le vent. De leur présenter le Jésus qui a marché sur l'eau. Afin qu'ils puissent changer leur cœur et qu'ils voient Dieu en Jésus. Notre bon Père du ciel, merci pour ce que tu nous as enseigné cette semaine. Nous avons vu encore une fois des preuves par milliers que Jésus était Dieu, qui venait établir le royaume, son royaume, le royaume de Dieu. Ô Seigneur, utilise-nous afin que tu puisses transformer des cœurs par la vérité.